Troisième partie. Les années Nixon et Ford. 1968-1976. Chapitre 11. Quand la CIA remplaçait la démocratie par la dictature au Chili. Il était presque minuit le 16 octobre 1998 quand les hommes de Scotland Yard firent irruption dans une clinique privée de Londres. Sans laisser au personnel d'accueil le temps de prévenir qui que ce soit, ils arrivèrent à la chambre du vieil homme qui se remettait tout juste d'une opération du dos. Avec une silencieuse efficacité, ils désarmèrent les gardes du corps, coupèrent les lignes téléphoniques et pénétrèrent dans la chambre en exhibant un mandat d'Interpol. 35 ans après ses crimes contre l'humanité, il venait arrêter le général en retraite Augusto Pinochet. L'ancien dictateur passa 16 mois en résidence surveillée, attendant d'être extradé vers l'Espagne où la justice le réclamait. Mais sous l'action conjuguée des avocats de Pinochet et du gouvernement chilien, lui-même sous pression de l'armée, le gouvernement britannique finit par relâcher le vieillard de 84 ans pour raisons humanitaires, à cause de son état de santé précaire certifié par les médecins. À sa descente d'avion au Chili, on vit le vieil homme, censément impotent, se lever de sa chaise roulante pour saluer ses partisans. Finalement, les cours chiliennes jugèrent Pinochet mentalement irresponsable et il ne fut pas traîné devant les tribunaux. Interrogé en 2003 sur la moralité du rôle des États-Unis au Chili dans les années 1970, le secrétaire d'État Colin Powell répondit simplement « Ce n'est pas un épisode de l'histoire américaine dont nous sommes fiers. » En 1952, le candidat socialiste à l'élection présidentielle du Chili, Salvador Allende, réalise un score modeste de 5%. 6 ans plus tard, sa nouvelle candidature bondit à 28% des voix. L'administration Kennedy s'alarme de sa possible victoire aux prochaines élections de 1964. La CIA est chargée de faire élire le candidat démocrate chrétien Eduardo Frei. Près de 20 millions de dollars sont dépensés pour soutenir sa campagne, qui reçoit soudainement l'aide d'experts électoraux américains, mais aussi pour une vague massive de propagande anticommuniste. Journaux, tracts, affiches tentent d'effrayer la population, et en particulier les catholiques, sur les risques d'occupation soviétique ou cubaine en cas de victoire de la gauche. La CIA peut alors s'attribuer le large succès de Frei en 1964 avec une majorité de 57%. Mais Washington est désormais contrainte de soutenir l'économie chilienne pour conserver son champion au pouvoir. Entre 1962 et 1970, le Chili reçoit 1,2 milliard de dollars de dons et de prêts, somme astronomique pour l'époque et pour un pays de seulement 10 millions d'habitants. Les investissements américains au Chili sont garantis par un fonds spécial gouvernemental. Alors que le pays ne fait face à aucune menace particulière, l'assistance militaire des États-Unis atteint des niveaux records. Pourtant, à l'approche des élections de 1970, la CIA doit reconnaître que la menace d'une élection d'Allende est de nouveau bel et bien réelle. Dans un rapport rédigé pour le secrétaire d'État Kissinger, les analystes de la CIA font remarquer que les États-Unis n'ont pas d'intérêt vital au Chili et que l'équilibre des pouvoirs militaires en Amérique du Sud ne serait pas significativement affecté par une victoire d'Allende, tout en reconnaissant qu'une telle victoire constituerait un important revers psychologique pour les États-Unis. L'opinion, partagée tant par le personnel diplomatique que par les agents de la CIA en poste au Chili, est qu'un coup d'État contre un Allende victorieux, en 1970, serait à la fois quasi impossible, diplomatiquement dangereux et politiquement désastreux. Malgré tous les efforts de la CIA, qui soutient cette fois le candidat conservateur Alessandri, Allende, à la tête d'une large coalition, est finalement élu le 4 septembre. Le Congrès doit entériner sa nomination 2 mois plus tard. Nixon refuse d'admettre le verdict des urnes et réclame un plan d'action. Mise sous pression par Washington, L'agence essaie tout d'abord d'acheter des voix au Congrès, mais sans grand résultat. Elle reporte alors ses efforts sur l'économie et sur l'armée. Les grandes multinationales américaines ont tout intérêt à éviter l'élection d'Allende et ses effets supposés, nationalisation, désordre économique, etc. La compagnie ITT, International Telephone and Telegraph, est la plus active de toutes. Il faut dire qu'elle a pour président un certain John McCone, ancien patron de la CIA sous Kennedy. Lors d'une réunion en septembre entre McCone, son successeur Richard Helms et Kissinger, ITT offre $1 million pour contribuer au renversement d'Allende. Du côté de l'armée, la CIA rencontre un obstacle de taille en la personne de son chef René Schneider, farouchement légaliste. Celui-ci sera la cible d'une tentative d'enlèvement qui tourne mal. Il succombe à ses blessures. L'objectif est de le remplacer par le général en retraite Vio, favorable aux Américains. Mais le meurtre de Schneider aboutit à remobiliser l'armée derrière le pouvoir légal. Le président Nixon envoie à son homologue chilien le message suivant. L'attentat odieux contre la vie du général Schneider est une épreuve dans notre histoire contemporaine. Je voudrais vous faire part de ma douleur que cet acte répugnant ait pu être commis dans votre pays. Le successeur du général Schneider sera un certain général Pinochet. Le Congrès investit Salvador Allende le 3 novembre. L'agitation désordonnée de la CIA pendant ces 2 mois n'aura servi à rien. Richard Nixon ne décolère pas. Ce serait très mal le connaître de croire qu'il va accepter sa défaite. Lors d'une réunion du Conseil national de sécurité, il explique « Notre préoccupation première, au Chili, est la perspective de voir Allende consolider sa position et que son image internationale devienne son plus grand succès. On ne doit pas laisser l'impression en Amérique latine qu'il est possible de s'en tirer ainsi. À travers le monde, c'est devenu trop à la mode de nous botter les fesses. » Kissinger n'est pas le moins acharné à pousser Nixon à l'action. Il lui écrit ainsi « L'élection d'Allende comme président du Chili nous pose un des plus sérieux défis jamais rencontrés dans cet hémisphère. » Il reprend la vieille théorie de l'effet domino, selon laquelle cette élection pourrait créer un modèle pour d'autres pays partout dans le monde. L'objectif de renverser Allende est plus que jamais maintenu, mais devient un objectif de long terme, car il est peu réaliste d'espérer y parvenir rapidement, alors qu'Allende est au sommet de sa popularité. Allende a été élu légalement. Les États-Unis doivent donc adopter une attitude chaleureuse et correcte, tout en adoptant une stratégie de déstabilisation en 5 points. Diviser et affaiblir la coalition au pouvoir, élargir les contacts avec l'armée chilienne, soutenir tous les groupes et partis non marxistes, tous les médias anti-Allende, et enfin faire diffuser par des journaux amis du monde entier des enquêtes sur l'infiltration des Russes et des Cubains au Chili. Les aides au Chili sont discrètement réduites ou supprimées. Les entreprises américaines sont incitées à réduire leurs investissements. La Banque mondiale n'accorde plus aucun prêt au Chili de 1971 à 1973. Seule exception, l'aide militaire est maintenue afin de conserver une influence directe sur l'armée chilienne. Allende n'ose la refuser de peur de s'aliéner l'armée. Les pénuries de produits de première nécessité, accentuées par les commerçants hostiles au pouvoir et par le blocus des transporteurs routiers, alimentent l'insatisfaction populaire. Il s'agit de montrer à la population l'inefficacité du socialisme. La propagande de la CIA, qui a si bien fonctionné en 1964, est réactivée sans plus de subtilité. Le principal quotidien de droite du pays, El Mercurio, au bord de la faillite, reçoit $1 million de la CIA sur ordre de Nixon lui-même. La CIA espère un revers électoral pour Allende lors des élections législatives de mars, mais c'est le contraire qui se produit. Un coup d'État militaire est mis sur pied pour 1973. L'agence garde en permanence des contacts étroits avec les comploteurs. Pendant le printemps et l'été, l'action de la CIA s'intensifie. Manifestations, sabotages, grève des routiers préparent le terrain. Le coup du 11 septembre a été bien préparé par l'armée. Le pays est coupé du monde pendant une semaine. Le moins qu'on puisse dire est que l'armée ne procède pas de façon chirurgicale. Comme en Indonésie, la CIA lui a communiqué des listes d'activistes communistes dont elle saura se servir. À 8 heures du matin, le 11 septembre 1973, la marine chilienne place sous contrôle le port de Valparaiso et annonce que le gouvernement d'unité populaire est renversé. À Santiago, les carabiniers tentent de s'emparer d'Allende chez lui, mais celui-ci parvient à se retrancher dans la Moneda, le palais présidentiel, et commence à diffuser des appels radio à la résistance. Les tanks et les avions de l'armée bombardent le palais, tuant bon nombre de ses gardes du corps. Les militaires offrent à Allende de se rendre et promettent de l'extrader avec sa famille. Le chef d'État, qui n'y croit pas une seule seconde, mourra sous les balles de sa propre armée. La condamnation de l'opinion internationale est immédiate. Des manifestations spontanées se forment un peu partout en Amérique du Sud, accusant les États-Unis de complicité. Pressé de questions par la presse, Kissinger affirme que, depuis 1970, les États-Unis se bornent à soutenir la démocratie au Chili. Dans les jours qui suivirent le coup d'État, les massacres furent si étendus qu'il devint difficile d'établir un décompte des victimes. La CIA estima à 1 500 civils tués et 13 500 arrêtés le bilan des premières semaines. Les premiers visés furent les officiels du gouvernement déchu, les activistes de gauche, les dirigeants syndicalistes. L'armée employa la torture à grande échelle et de nombreux prisonniers furent exécutés puis enterrés clandestinement, sans que leur famille entende plus jamais parler d'eux. Deux citoyens américains se trouvaient parmi eux. La dictature militaire devait durer 17 ans. La junte supprima la liberté de la presse et les partis politiques, ferma l'Assemblée et s'empara des universités. Le dossier établi par la CIA sur Pinochet avant le coup d'État le décrivait comme un homme tranquille, aux manières douces, très professionnel, très honnête, travaillant dur, dévoué, un mari et un père tolérant et attentionné qui vit modestement. Ce fut l'homme qui prit l'ascendant parmi les officiers de la toute nouvelle junte. Le général Pinochet créa une police secrète appelée la DINA, dont la mission principale consistait à débarrasser le nouveau régime de ses opposants. Elle acquit vite une réputation de brutalité extrême parmi les autres services de l'armée, qu'ils appelèrent le monstre. L'ambassade américaine rapportait de son côté que la DINA était en train de se développer en une sorte de KGB local. Placée sous la direction du colonel Contreras, un proche de Pinochet, elle ne se contentait pas de décimer la gauche, mais infiltrait aussi les institutions gouvernementales pour s'assurer la loyauté des fonctionnaires en place. La DINA créa et administra dans tout le pays un réseau d'au moins 12 camps de détention et de torture clandestins. La Maison-Blanche affecta une totale neutralité par rapport au coup d'État et au nouveau régime. En réalité, dès le lendemain du coup d'État, Nixon mobilisa son administration pour évaluer quelle assistance pouvait être portée au nouveau régime. L'assistance économique de l'époque Frey reprit ainsi du jour au lendemain. Les prêts interbancaires obtenus sous la pression de l'administration Nixon se montèrent à plusieurs centaines de millions de dollars en quelques années. La CIA aida le régime à améliorer ses relations publiques et surtout offrit son aide à la DINA. Formation, entraînement, manuels techniques furent offerts sans restriction. Mieux encore, le chef de la DINA, le colonel Contreras, qui était responsable des pires atrocités du régime Pinochet, fut pendant plusieurs mois un salarié de la CIA, jusqu'à ce que l'agence ne s'avise que ce lien pourrait, un jour ou l'autre, lui porter un tort considérable s'il était révélé.